Allô? Allô? Allô, chérie? Oui. T'es où? Je suis à Château Rouge. Mais tu fais quoi à Paris? Je cherche des produits pour mes cheveux, non? Sûr, sûr? Oui. Ok, bon, je t'attends à la maison. Alphonse Mavuela. Ma bengi ana telefone okosi osara pari. Nzoka wako mina mo epaya simo kweti deko. Telefone yo. Telefone yo. Oh, telefone yo. Telefone yo. Olo kutara telefone yo. Telefone yo. Oh, telefone yo. Telefone yo. Eh, José Biziko na Brazzaville. Ma bengi Raoul Lewala, Jacques Lalé, Koufi, Clo-Clo.